Ce dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est de l'université populaire en ligne. Quelque chose qui, moi, traîne dans ma tête depuis pas mal de temps, et je crois traîne dans la tête de pas mal de gens depuis un certain temps, mais qui devient aujourd'hui vraiment réalisable et vraiment utile, compte tenu de tous les progrès qui ont été faits ces dernières années en matière de technologie et surtout, bien sûr, d'Internet. Jusqu'à aujourd'hui, les universités populaires, qui sont un mouvement très puissant, sont des lieux physiques plutôt situés dans des villes universitaires et qui accueillent des populations plutôt âgées et actives, et plutôt urbaines en tout cas. Ce qui pourrait renouveler le genre, c'est qu'on décide que cette université populaire soit en ligne et puisse donc servir de manière homogène aussi bien des gens qui habitent dans des grands centres urbains que des gens qui habitent dans des zones rurales ou dans des villes moyennes ou même qui sont carrément à l'étranger. Il y a quand même près d'un million de personnes qui habitent à l'étranger qui ont peut-être envie de suivre un certain nombre de cours ou de séquences. L'université populaire en ligne pourrait ainsi devenir une synthèse de ce qui se fait de mieux dans les universités populaires physiques, qui deviendraient ainsi les fournisseurs de cette université en ligne, et ainsi renouer avec l'esprit de base de ce qu'est l'université populaire, c'est-à-dire pouvoir servir la connaissance auprès d'un grand nombre de personnes et de la façon la plus simple possible. Techniquement d'ailleurs, ce serait particulièrement simple à réaliser. Chaque partenaire de l'université virtuelle ouvrirait ainsi des canaux de podcast, donc le podcasting étant cette nouvelle discipline technologique qui permet à des émetteurs d'informations de diffuser des contenus audio ou vidéo de manière très simple et à des destinataires de pouvoir s'y abonner de façon à les recevoir automatiquement sur leur ordinateur. Et donc ces différents canaux de podcast correspondraient aux différentes disciplines et seraient alimentés régulièrement par tout ce qui est produit sur le terrain par les universités populaires physiques. Ainsi, à l'image de ce qu'a magnifiquement réussi Canal U, l'université populaire en ligne deviendrait le lieu où tout ce qui se fait de meilleur serait mis en commun. Ainsi, des personnes ou des groupes résidant dans des lieux les plus isolés ou les plus éloignés pourront suivre des communications passionnantes et même échanger au travers de communautés en ligne qui leur seraient ouvertes. Mais surtout, ce serait une fantastique façon de capitaliser tout le travail important qui est fait dans les universités populaires, car en les mettant à disposition de publics plus larges, ces universités populaires physiques capitaliseraient leur propre richesse. Voilà ce que pourrait être l'université populaire en ligne. Il ne manque plus qu'à trouver l'équipe qui peut réaliser un projet aussi ambitieux. En tout cas, moi, je suis prêt à foncer. Et si ça intéresse d'autres inconscients, je suis prêt à en parler. À très bientôt.